bien, dit Lisbeth à son petit cousin au moment où elle le vit fasciné. Comment trouvez-vous Valérie ? Trop charmante, répondit Venceslas. Vous n'avez pas voulu m'écouter, repartit la cousine bête. Ah, mon petit Venceslas, si nous étions restés ensemble, vous auriez été l'amant de cette sirène-là, vous l'auriez épousée dès qu'elle serait devenue veuve, et vous auriez eu les 40 000 livres de rente qu'elle a. Vraiment ? Mais oui, répondit Lisbeth. Allons, prenez garde à vous. Je vous ai bien prévenu du danger. Ne vous brûlez pas à la bougie. Donnez-moi le bras, l'on a servi. Aucun discours n'était plus démoralisant que celui-là, car montrez un précipice à un Polonais, il s'y jette aussitôt. Ce peuple a surtout le génie de la cavalerie. Il croit pouvoir enfoncer tous les obstacles et en sortir victorieux. Ce coup d'éperon par lequel Lisbeth labourait la vanité de son cousin fut appuyé par le spectacle de la salle à manger où brillait une magnifique argenterie où Steinbock aperçut toutes les délicatesses et les recherches du luxe parisien. « J'aurais mieux fait, se dit-il en lui-même, d'épouser Célimène. »